Considérées comme les plus mystérieuses des particules élémentaires, les neutrinos sont le pont qui relie la physique des particules, la physique nucléaire et l'astrophysique. Omniprésents dans notre environnement, ces boîtes noires infimes sont porteuses d'informations clés qui pourraient ouvrir la porte à un au-delà du modèle standard. Problème d'un tempérament timide, les neutrinos sont très complexes à détecter. Pour saisir ces particules fantômes, des télescopes d'un genre particulier sont installés sous la Terre ou sous la mer. Et c'est justement dans les abysses de la Méditerranée que nous irons pêcher aujourd'hui les neutrinos avec deux projets au parfum d'aventure, Antares et KM3Net. À la pêche aux neutrinos, c'est la plongée dans l'infini que nous allons réaliser dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cette pêche aux neutrinos, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Antoine Kouchner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Cité, directeur du laboratoire Astroparticules et Cosmologie APC. Vous êtes responsable scientifique du projet Antares et vous êtes le co-auteur du livre « À la recherche des neutrinos » aux éditions d'UNO. Nous sommes également en ligne avec Jürgen Brunner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, chercheur CNRS au Centre physique des particules de Marseille, le CPPM. Mais avant d'entamer cette émission, il est l'heure de retrouver celle qui chaque jour plonge sur les récifs de l'actualité scientifique pour en remonter les perles les plus scintillantes. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature qui montre combien le climat a façonné l'histoire humaine. Alors, l'idée que le climat a influencé les migrations humaines et l'histoire de notre évolution, ce n'est pas nouveau. Mais avec cette étude, nous avons un modèle climatique sur 2 millions d'années à l'échelle du globe. Des chercheurs américains ont mené ce grand travail de modélisation climatique avec un supercalculateur. Ils se sont d'abord appuyés sur les mouvements de la Terre pour travailler sur les variations de température et d'humidité au cours des 2 derniers millions d'années, puisqu'on sait que ces deux paramètres vont avoir un grand impact sur les types de paysages. Puis, ils ont corrélé leur cartographie avec les données que nous avons sur la présence des hominidés, la position des sites, les données génétiques entre les différentes espèces humaines. Ils en déduisent que les variations climatiques ont eu un impact sur la dispersion des hominidés et surtout sur l'émergence d'Homo sapiens en Afrique. Marie-Hélène Moncel est directrice de recherche au CNRS dans l'unité Histoire naturelle de l'homme préhistorique au Muséum national d'histoire naturelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il se base sur ce qu'on appelle, nous, la mid-Pléistocène transition, qui est une phase climatique extrêmement importante, même pour ceux qui travaillent en Eurasie ou en Europe comme moi. C'est qu'à partir de 1,2 million jusqu'à environ 800 000, il y a un changement dans les cycles climatiques, les cycles qu'on appelle de Milankovitch, c'est-à-dire qu'on passe de 41 000 à 100 000. C'est-à-dire qu'avant cette période, les variations entre les périodes plus fraîches et les périodes plus tempérées étaient beaucoup moins marquées. Alors qu'à partir de cette période, il va y avoir un contraste beaucoup plus marqué entre les périodes glaciaires et les périodes tempérées. Et donc cette modification va engendrer des changements dans la répartition des hominidés et surtout dans les possibilités d'occupation de certaines zones et de circulation. Par exemple, les auteurs parlent en particulier de l'Afrique, les liens entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Il y a des corridors de circulation qui n'étaient plus possibles justement avec cette augmentation des contrastes entre les périodes plus froides et les périodes plus tempérées. Et ça leur permet de proposer comme hypothèse que c'est au sein donc de ces changements climatiques que va émerger Homo sapiens, entre 400 000 et 200 000 en Afrique, qui voit l'émergence des Homo sapiens archaïques. Et donc pour eux, ça permettrait de supposer qu'Homo sapiens était plus capable de s'adapter à des périodes plus sèches par moment, avec des contrastes climatiques plus marqués, et donc pourrait expliquer le succès et l'apparition d'Homo sapiens. Et en même temps, donc comme ils corrèlent leur observation avec la localisation des sites également en Eurasie, ils confirment aussi les capacités d'Homo heidelbergensis à occuper l'Eurasie à certains moments, à quitter l'Afrique, et les séparations que l'on voit, les divergences qu'on voit au niveau génétique entre les groupes d'hominidés. Et donc, ils en déduisent que sans doute Homo sapiens était beaucoup plus apte à s'adapter à des environnements plus drastiques, en particulier plus secs, qui leur auraient permis de bouger, de migrer en Afrique, alors que les autres hominidés auraient été beaucoup plus inféodés à des zones Par exemple, il peut y avoir une sorte de divergence entre des groupes d'Heidelbergensis en Afrique dû justement à ces contrastes saisonniers qui font que les populations ne peuvent plus avoir de contact entre elles. Alors que Sapiens, apparemment, a été beaucoup plus capable d'outrepasser ces variations climatiques et ces moments de sécheresse et donc de bouger malgré l'absence de certains corridors qui étaient favorables aux autres hominidés. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude ainsi que les suivantes sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. L'Organisation mondiale de la santé enquête sur une forme inconnue d'hépatite qui touche principalement les enfants. Et le 5 avril, le Royaume-Uni a signalé 10 cas d'hépatite grave. 3 jours plus tard, le pays en recensait 74. D'autres cas ont aussi été déclarés en Irlande et en Espagne. Cette nouvelle forme d'hépatite touche les enfants de moins de 10 ans en bonne santé. Les symptômes comprennent la jaunisse, la diarrhée, des vomissements et des douleurs abdominales. Il n'y a aucun décès, mais 6 patients ont dû recevoir une transplantation du foie. Les tests de laboratoire ont exclu les virus de l'hépatite connus, A, B, C, E et D. Pour l'instant, son origine est inconnue. Des tests toxicologiques, virologiques et microbiologiques supplémentaires sont en cours. En bref, toujours, selon une étude parue dans la revue Nature, plus une espèce vit longtemps, plus le rythme de ses mutations génétiques sont lentes. Une équipe britannique a séquencé des cellules intestinales de 56 animaux de 16 espèces très différentes, tant en termes de masse corporelle que de durée de vie. Des humains, des girafes, des lions et l'indestructible rat taupe nu. Les chercheurs ont ainsi quantifié le nombre de mutations génétiques acquises par chaque espèce au cours de son existence. Il en ressort que toutes les espèces ont un taux de mutation génétique similaire, mais que la vitesse à laquelle elles apparaissent déterminerait la durée de vie. Par exemple, les cellules d'un être humain, pour une durée de vie moyenne de 83 ans, connaissent en moyenne 47 mutations par an, tandis que les cellules de souris, elles, en subissent 796 par an pour une espérance de vie de 3 ans. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Earth and Planetary Science Letters, nous avons identifié la pierre la plus chaude de notre planète. Il s'agit d'une roche, un verre d'impact de la taille d'une main, découverte en 2011 dans le cratère de Mistassin, au Canada, un cratère provoqué par une météorite il y a environ 36 millions d'années. Des chercheurs américains ont analysé les zircons de la roche sur d'autres échantillons du site. Alors les zircons, ce sont des minéraux qui cristallisent à haute température et ils confirment que cette roche s'est formée lors de l'impact à des températures records qui atteignent les 2370 degrés Celsius. Selon les auteurs, au moment du choc, la roche a non seulement fondu, mais la pression était telle qu'elle a aussi été vaporisée. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Chaque seconde, des centaines de milliards de neutrinos en provenance du Soleil nous traversent sans que cela perturbe quoi que ce soit, les neutrinos interagissant peu avec la matière ordinaire. C'est cette faible interaction qui fait des neutrinos des messagers de choix porteurs, entre autres, d'informations sur les origines de l'univers, mais c'est aussi ce qui les rend insaisissables et complique leur étude. Malgré ces difficultés, des détecteurs de différents types s'attellent à saisir ces passagers fantômes de l'univers, comme en attestent les détecteurs sous-marins Antares et KM3Net dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de nous plonger dans ces eaux profondes de la Méditerranée à la pêche aux neutrinos, je vous propose avant cela d'écouter une archive de 1963 qui pose une question apparemment simple. Pourquoi étudier les neutrinos ? Pourquoi étudier le neutrino ? On peut répondre à cette question tout comme répondit Sir Edmund Hillary quand on lui demanda pour quelle raison on voulait grimper sur l'Everest. « Parce qu'il existe », répondit-il. Le neutrino existe aussi. Et c'est une des pièces du puzzle que représente pour nous la constitution élémentaire de la matière, élémentaire au moins au niveau où nous pouvons la scruter aujourd'hui. Le neutrino n'a été observé d'une façon qu'on pourrait dire à peu près directe que dans ces récentes années. Cependant, son histoire remonte aux années 20, lorsque l'on dut imaginer son existence pour rendre compte de certaines propriétés des noyaux radioactifs. Nombre d'éléments nucléaires instables se désintègrent en émettant un électron négatif et se transforment en un nouvel élément nucléaire ayant le même nombre de masses, mais où un proton remplace un neutron. Et le neutron lui-même, à l'état libre, émet aussi un électron et se transforme en proton. Il a été reconnu que l'énergie totale du nouveau noyau et de l'électron libéré est toujours moindre que celle du noyau originel. Dans cette désintégration, deux principes sont violés, celui de la conservation de l'énergie et celui de la conservation du moment angulaire, qui sont parmi les principes physiques les mieux assurés. Il a donc été supposé qu'aux deux produits finaux de la réaction, le nouveau noyau d'une part et l'électron de l'autre, il faut en ajouter un troisième, qu'on a appelé le neutrino. Antoine Kouchner, une réaction à cette archive, à ce mini-cours de physique des particules datant de 1963, comme en attestait ce ton. Eh ben, il date peut-être de 1963, mais tout est clair et tout est fait juste. Donc, je pourrais peut-être me procurer l'archive et la faire écouter. On vous la fera suivre, si vous voulez, on vous donnera le fichier MP3. Peut-être qu'on peut, on peut rappeler quand même que ce postulat de l'existence du neutrino venait répondre, comme c'était un peu expliqué dans cette archive, à un problème, à une anomalie. Alors, rappelez-nous un petit peu pourquoi cette existence du neutrino a été postulée à partir d'une anomalie venant de la physique nucléaire. Oui, l'anomalie dont il est question ici, c'est effectivement essentiellement la conservation de l'énergie. Comme il a été bien dit, le processus de désintégration doit conserver l'énergie, c'est-à-dire l'énergie sous toutes ses formes, que ce soit l'énergie de masse ou l'énergie cinétique. Et donc l'énergie de départ du noyau qui se désintègre doit être retrouvée dans l'état final. Mmh. Or, effectivement, la mesure des énergies des deux particules qu'on était à même d'observer donnait quelque chose d'inférieur, donc il y avait une disparition d'une certaine quantité, ce qui déplaisait fortement. Et c'est Wolfgang Pauli qui a proposé en premier l'idée que bon, peut-être une autre particule qui échappait à l'observation était en fait présente et emportait l'énergie qu'il manquait et que ça permettrait de résoudre quand même cette violation de la conservation d'énergie qui était tout à fait embêtante. Il l'a dit timidement. Il l'a dit avec une phrase un petit peu légendaire. Il l'a dit dans une lettre un peu ouverte à ses consoeurs et à ses confrères. « J'ai fait une chose terrible, j'ai postulé une particule qui ne peut être détectée. » Heureusement, l'avenir lui a donné plutôt tort. Même si, voilà, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il se disait « Cette particule ne peut pas être détectée, ne le sera pas. » Il le disait parce qu'on la voyait pas. Donc ça tombait sous le sens de dire que, ok, il y avait quelque chose, mais qu'on voyait pas, donc on pouvait sans doute pas le voir. En tout cas, ça prendrait beaucoup de temps. Heureusement pour lui, il l'a su, mais ça s'est fait quand même beaucoup, beaucoup plus tard. Il était toujours vivant hein, quand on lui a envoyé un télégramme pour lui dire que le neutrino avait été découvert. Ça lui a valu un Nobel, je crois, d'ailleurs, après-guerre. Ça a valu un Nobel à ceux qui l'ont découvert. Ouais. Lui, il a eu aussi le Nobel pour d'autres raisons qui sont associées à son nom également. Mais effectivement, ça a pris beaucoup de temps. Et ça, je pense que c'est un enseignement important parce que c'est toujours le cas avec la physique des neutrinos. Il faut beaucoup de temps avant d'arriver à obtenir ce que l'on souhaite et que l'on met en place. Et donc là, en l'occurrence, pour la détection des neutrinos... D'abord, il faut rappeler peut-être qu'il l'a dit timidement, il l'a écrit par une lettre, comme vous l'avez dit, mais en fait, il l'a écrit dans un communiqué scientifique, un compte-rendu de conférence, que 3 ans plus tard. Donc, c'était quand même vraiment... C'était débattu. Hein. C'était très timide, débattu. Le grand Niels Bohr lui-même lui disait « Non, ça n'existe pas ». Niels Bohr disait le problème se pose, mais en fait, la conservation est probablement là de manière statistique. Donc, ça dépend. Il faut faire beaucoup d'expériences. Enfin, lui, il avait un point de vue effectivement assez différent. Et ça plaisait pas mal de gens, l'idée qu'on puisse pas faire la vérification expérimentale. Mmh. Jürgen Brunner, on continue un petit peu avec cette présentation générale du neutrino. Je disais en introduction de cette émission que à chaque moment de la journée, 100 milliards de neutrinos nous traversent, sans que 100 milliards de neutrinos en provenance du Soleil nous traversent, sans que ça pose de problème. Pourquoi ça pose aussi peu de problèmes et pourquoi finalement le neutrino est une particule aussi timide, comme je le rappelais en début d'émission? Parce que sa interaction avec la matière est très faible. Ça, c'est une des soucis que Pauli a déjà annoncé dans son prédiction, parce que quelques années plus tard, il y avait une théorie solide de cette interaction faible de Fermi, et on pourrait calculer qu'il faut une mur de plusieurs milliers d'années-lumière de plomb pour arrêter un faisceau de neutrinos. Alors, ça semble impossible d'en capter une. De l'autre côté, on peut inverser cet argument. Pour capter une, il faut un énorme flux de neutrinos et un détecteur de très grande taille. C'est une sur plusieurs milliards, voire billions qui va se cogner contre un noyau de cet détecteur et qui va se transformer dans une autre particule chargée qu'on peut détecter à la fin. Mmh. Oui, c'est ça. C'est cette absence d'interaction du neutrino qui fait qu'il est aussi discret et aussi difficile à percevoir. Antoine Kouchner, quels sont aujourd'hui, parce que j'ai l'impression au fil des décennies décennies et au fil des décennies, au fil de la naissance aussi de la physique des neutrinos, que plus on avance sur le neutrino et finalement plus il y a de questions qui se posent autour des neutrinos. Quelles sont, à votre sens, les questions principales qui se posent aujourd'hui autour de cette particule ? Alors, il y en a plusieurs. Elles sont liées à la façon dont le modèle standard s'est construit et au rôle que le neutrino joue à l'intérieur. Donc, il y a des aspects qui sont liés à la difficulté de sa détection, ça c'est une chose. Mais effectivement, au fur et à mesure, on a appris à se servir des neutrinos, d'une part pour essayer de sonder la matière. Donc là, on est dans le neutrino comme messager de la physique de l'infiniment petit. Et puis, d'autre part, pour essayer de comprendre ses propres propriétés, on est toujours dans la construction du modèle standard, mais qui sont singulières et du coup, dont on pense qu'elles pourraient ouvrir des voies à un modèle, disons, qui est incomplet. Et donc, il faudrait échafauder un modèle un petit peu plus large pour comprendre la nature même du neutrino qui reste un peu inconnue. La nature ou les natures, puisqu'il y a plusieurs catégories de neutrinos, il n'y a pas un seul type de neutrino, il y en a plusieurs. Expliquez-nous un petit peu les distinctions générales qu'on pourrait faire autour de ces différentes familles. Effectivement, en fait, dans la matière ordinaire, il y a plusieurs familles. Donc il y a ce qu'on connaît bien qui est l'électron, le neutron, le proton. Et associé à l'électron, on a le neutrino qu'on appelle électronique, qui appartient à cette première famille et qui est effectivement celui qui a été détecté en premier par les expériences auprès de réacteurs nucléaires. On peut faire une petite parenthèse pour dire que si on a finalement réussi à les découvrir, c'est pas parce qu'ils se sont mis à interagir plus, mais c'est parce qu'on a créé des faisceaux de plus en plus intenses et donc de temps en temps, on a la chance de pouvoir en découvrir quelques-uns. Donc ça, c'est la première famille. Et puis après, les expériences ont continué. On s'est rendu compte que très vraisemblablement, il devrait y avoir associé à d'autres particules qui sont plus lourdes, instables, et qui sont donc des particules dans d'autres qui sont moins ordinaires pour nous parce qu'elles sont instables. Et donc quand on les crée, elles se désintègrent. Donc on ne les voit pas de façon usuelle. Et bien, il devait y avoir des neutrinos associés à ces autres familles. Et au total, il y en aurait trois. Donc celui qu'on appelle électronique, c'est la première famille. Le neutrino muonique, c'est celui de la deuxième famille. Quand il interagit, il crée, comme Jürgen l'a dit, un lepton associé qui est le pendant de l'électron, mais qu'on appelle le muon, qui est une particule chargée, qui est instable, mais qui quand même prend 2 microsecondes pour se désintégrer. Donc ça nous laisse le temps. Ça laisse le temps d'observer, voilà. De le voir. Et la troisième famille, c'est le neutrino tauique, qui est associé donc à l'autre lepton chargé qu'on appelle le tau, mais qui est instable également, beaucoup plus lourd, mais qui se désintègre de façon beaucoup plus rapide. Donc là, c'est un vrai défi que de mettre ceci en évidence, parce que d'abord, il faut des faisceaux plus intenses en énergie, plus énergétiques. Oui, c'est ça, parce qu'on peut aussi catégoriser les neutrinos comme venant d'une source de haute énergie et de basse énergie, entre guillemets, parce qu'on parle de sources quand même comme le Soleil ou comme le Big Bang. Expliquez-nous un petit peu ce distinguo-là. Oui, entre guillemets, effectivement, parce qu'en fait, chaque espèce de neutrino peut avoir toutes les énergies qu'on souhaite, mais c'est vrai que les sources de neutrinos, et là, si on s'intéresse à des sources extraterrestres, comme celle du Soleil, qui est celle qui nous envoie le faisceau le plus intense, dont vous parliez, qui nous traverse en permanence, là, il s'agit en fait de témoins de réactions thermonucléaires, où ce sont des neutrinos électroniques qui apparaissent et qui apparaissent avec des énergies qu'on appelle de l'ordre du mégaélectronvolt, qui au regard de ce qu'on souhaite détecter avec Antares et KM3Net est très faible. En réalité, nous, on s'intéresse à des phénomènes qui sont cataclysmiques dans l'univers. Donc là, c'est pas le Soleil qui brille gentiment, si je peux dire, même si c'est des réactions de fusion thermonucléaire, mais c'est plutôt des objets compacts qui vont coalescer, qui vont fusion de trous noirs, supernovas qui vont exploser, des phénomènes cataclysmiques, mais qui du coup peuvent engendrer des énergies ultimes, qui sont des énergies qu'on observe, parce que les rayons cosmiques, qui sont en fait des particules chargées ou des noyaux qui sont chargés, nous bombardent en permanence à des énergies vraiment très grandes, pour des particules élémentaires. On parle parfois de l'énergie d'une boule de pétanque, mais dans une particule élémentaire. On ne sait pas trop comment expliquer ces phénomènes, et c'est là que l'astronomie des neutrinos va intervenir. Juste peut-être une remarque à ce sujet. Si on est bombardé par ces rayons cosmiques, comme ils sont chargés électriquement, ils sont défléchis par les champs magnétiques, et donc on ne connaît pas leur source, d'où l'intérêt d'utiliser des particules neutres, comme le neutrino qui voyage en ligne droite. Et qui lui, pour le coup, est un messager direct. Un messager direct, parce qu'il a le bon goût, semble-t-il, de se propager à la vitesse de la lumière, ce qui nous permet en plus de faire des coïncidences avec les photons, qu'on connaît beaucoup mieux lorsqu'on parle d'astrophysique et d'astronomie. Et on va bien sûr parler de toutes les informations que peuvent nous apporter ces neutrinos, mais avant ça, on va quand même parler des outils à notre disposition pour les détecter. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Parlons de la détection des neutrinos et de cette difficile détection. Jürgen Brunner, on entendait dans l'archive tout à l'heure que la détection des neutrinos pouvait se faire entre guillemets de façon directe. C'est faux. La détection des neutrinos se fait toujours d'une façon indirecte et à la suite d'une interaction. Concrètement, qu'est-ce que les premiers chercheurs à avoir détecté les neutrinos dans les années 50 ont vu pour confirmer l'existence des neutrinos? Voilà, eux, à l'époque, ils ont utilisé le neutrino qui sont issus de réactions nucléaires, dans une centrale nucléaire. Ils ont mis en place un détecteur de scintillateur. Et là, si une de ces neutrinos se transforme en électron, ou plutôt en positron, dans ce cas, cette particule est chargée, elle va ioniser le scintillateur. Et après, si cette ionisation retombe, ça fait une flèche de lumière, peut être captée par le photomultiplicateur. Et ça, c'était la première méthode. Après, c'était une coïncidence de deux signaux qui a permis de prouver l'existence de neutrinos. Ah, Antoine Kouchner, qu'est-ce que c'est qu'un photomultiplicateur? Alors, un photomultiplicateur, c'est un appareil qui capte par effet photoélectrique un photon qui va se transformer en électron. Et puis, l'électron, lui, il va être attiré par un système d'anode et de cathode qui vont multiplier le nombre d'électrons pour aboutir à un signal électrique. Mmh. Et donc, en fait, c'est des détecteurs très sensibles puisqu'ils détectent même des photons uniques qui se transforment en signal électrique. L'amplitude du signal électrique est en fait proportionnelle au nombre de photons qui ont été détectés. Je le disais tout à l'heure, c'est très difficile de détecter des neutrinos. Est-ce que c'est à quelle fréquence on réalise des détections de neutrinos depuis les années 50, par exemple? C'est bête de raisonner comme ça, mais est-ce qu'on a une idée un peu chiffrée du nombre de détections de neutrinos qui ont été réalisées? Je suis pas sûr que la question ait véritablement un sens parce que ça dépend vraiment beaucoup de la source et ça dépend beaucoup des détecteurs. Antares, on a détecté à peu près 15 000. En plus de 15 ans. Mais franchement, là, on parle de neutrinos atmosphériques sur un domaine d'énergie important et ce n'est pas véritablement comparable avec... Enfin, tout dépend de ce qu'on souhaite en faire, en réalité. On peut justement expliquer un petit peu la différence entre les techniques de détection qui sont à notre disposition aujourd'hui et pourquoi ces différents objets, ces différents types de détecteurs vont nous permettre de distinguer différents types de neutrinos. Oui, en fait, moi, ce qui m'amuse pas mal, je dois dire, c'est que finalement, le principe de détection, il est simple. Et en fait, il ressemble un peu à celui que Jürgen vient de décrire. Il a dit que c'était des scintillateurs, mais bon, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une cuve avec un liquide qui permet de la lumière, enfin, qui peut émettre de la lumière ou produire de la lumière à cause du passage des particules chargées qui sont produites par l'interaction des neutrinos. Finalement, c'est toujours un peu le même principe parce qu'on va mettre des photomultiplicateurs pour repérer la lumière donc qui est propagée dans le milieu. Alors, pour Antares et KM3Net, ce sera pas du liquide scintillant, mais de l'eau. Mmh. Mais finalement, c'est le même principe, sauf que ça va être beaucoup, beaucoup plus grand. Et on a vu, au cours des dernières années, depuis le milieu des années 50 avec les premières détections, que ce type de détecteur s'est mis à grossir pour aller faire des cuves d'eau de 40 mètres de haut dans des grottes. Ça, c'est pour le Super Kamiokande, par exemple. C'est le fameux Super Kamiokande au Japon. Mais finalement, c'est le même principe de détection. Interaction du neutrino, de la lumière qui est ici de la lumière Cherenkov, qui vient de la désexcitation des noyaux lors du passage des particules chargées. Et puis, on repère ce sillage lumineux. Ce sillage bleuté, un peu en forme de cône, c'est ça? Exactement. Ouais. Et en le connaissant bien, on retrouve les propriétés de la particule incidente, ou en tout cas de celle qui a été produite lors de l'interaction, ce qui nous permet de déduire les propriétés du neutrino de départ. Et donc aujourd'hui, on essaye de faire encore plus grand. Mais on comprend les limites de construire des détecteurs d'un kilomètre sur un kilomètre au fond d'une grotte. Ça coûte très cher et c'est tout bonnement pas possible. On rappelle peut-être pourquoi aussi on construit ça dans les profondeurs et pourquoi ça a son importance d'isoler ces détecteurs du monde extérieur. Oui, la raison est simple, c'est qu'effectivement, du coup, tout ce qui va faire de la lumière va être considéré comme un bruit de fond, et en particulier tous les mécanismes similaires. Alors, comme on détecte les particules secondaires issues de l'interaction, bah, toute particule qui va passer dans le détecteur va nous enquiquiner, et donc le rayonnement qu'on appelle atmosphérique, qui est justement produit par l'interaction de ce bombardement des rayons cosmiques dans l'atmosphère, engendre des particules qui sont assez pénétrantes, et donc il faut s'en protéger en se mettant sous une sorte de bouclier, un blindage, mais alors un blindage naturel, c'est la grotte, et puis dans les abysses, bah, c'est toute l'eau de mer qui est au-dessus du détecteur et qui atténue fortement ce flux. Jürgen Brunner, est-ce que, je repose un petit peu ma question d'une façon différente, est-ce que cette variété de types de détecteurs, même si l'ensemble est à peu près cohérent, va être utilisé pour distinguer certains types de neutrinos plutôt que d'autres, ou bien est-ce que tous les neutrinos sont les bienvenus, quel que soit le détecteur en question? Une distinction importante, c'est le seuil en énergie. Si on a, par exemple, le détecteur dans la grotte avec le scintillateur ultra pur, comme Borexino, donc on va parler dans un moment, là, ils ont un seuil énergie très faible qui peut détecter tout le spectre de neutrinos solaires. Par contre, ils sont trop petits pour capter une nombre suffisant pour l'atmosphérique ou celle-là qui viennent de sources plus loin de l'univers. De l'autre côté, si on prend Antares ou CAM3NET, là, on a un volume énorme qui est équipé, mais l'élément de détecteur sont très épars, très distants l'un de l'autre. Et comme ça, le seuil d'énergie, c'est à peu près un facteur 1000 plus haut. Et là, on focus sur le spectre de neutrinos avec un seuil d'énergie dans le gigaélectronvolt, alors 1000 fois ou même 100 000 fois plus énergétique que celle-là qui vient de soleil ou de premier moment de l'univers. Vous évoquiez Antoine Kouchner, pardon. Oui, peut-être je me demandais si votre question n'était pas liée à la détection des trois types qu'on avait évoqués dans les familles. Exactement. Et effectivement, en fait, globalement, on va les détecter au travers de leur interaction, ce qu'on appelle par courant chargé. Ils échangent un W, qui est un médiateur de l'interaction faible, et se transformer en particules chargées. Quand c'est l'électron, l'électron il va se propager sur des courtes distances, perd toute son énergie. Et par exemple, dans un détecteur comme Antares, cette distance parcourue est beaucoup plus faible que la distance entre les photodétecteurs. Donc, ça va apparaître comme un point brillant dans le détecteur. Et la trajectoire sera plus difficile à mesurer. Oui, parce qu'en fait, la trajectoire de ce qui résulte de l'interaction du neutrino avec la particule qu'elle va choquer sera exactement la même en ligne droite que celle que le neutrino avait en arrivant. Quasiment. Et c'est un peu dévié, mais faiblement. Et là, ce sera plus difficile à mesurer. Si on compare avec le muon, qui lui, avec ses 2 microsecondes de temps de vie, va parcourir le détecteur en ligne droite, et là va nous donner une sorte de bras de levier pour la reconstruction de la trajectoire, beaucoup plus précis. Quant à la troisième famille, le neutrino tau, lui, il va effectivement créer un tau, s'il y a suffisamment d'énergie, qui se désintègre quasiment immédiatement. Et là, de nouveau, on va se retrouver avec une sorte de cascade lumineuse. Et donc, on distingue dans nos détecteurs ce qu'on appelle, nous, les traces. C'est effectivement les neutrinos muoniques. Qui sont les plus précis pour l'astronomie, et les cascades. Mais tout de même, nous sommes sensibles aux trois saveurs, on appelle ça des trois familles ou trois saveurs. Et c'est important parce que, comme vous le savez, on n'en a pas parlé, mais les neutrinos oscillent. On a dit qu'ils étaient timides, mais ils sont un peu sournois aussi. Et donc, ils changent de saveur au cours de leur propagation, ce qui, en fait, a valu un prix Nobel parce que c'est une preuve qu'ils possèdent une masse. Et là, on revient un peu à la problématique du modèle standard. Mais bon, c'est un élément quand même intéressant de complexité qui rappelle la difficulté à identifier ces neutrinos-là, parce qu'ils sont aussi capables d'une forme de travestissement. Ils arrivent à changer d'identité, à changer de saveur, comme vous le rappeliez à l'instant, Antoine Kouchner. Tout à l'heure, Jürgen Brunner, vous évoquiez cette expérience Borexino, et ça tombe bien puisque c'est le sujet en partie du reportage du jour auquel on vient à présent. Les expériences de détection des neutrinos sont donc on l'a compris, l'enjeu est d'étudier à la fois les neutrinos solaires et ceux en provenance du cosmos. Pour le reportage du jour, nous vous emmenons au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université de Paris pour découvrir deux expériences en cours. Et c'est avec vous, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour Antoine. Oui, j'ai retrouvé David et Franco dans son laboratoire où il est en ce moment en train d'analyser les mesures récoltées par les expériences dans lesquelles il a travaillé, de principalement Borexino qui a pour but de détecter des neutrinos solaires et Darkside pour la recherche de matière noire. Les neutrinos étant des particules qui interagissent très faiblement avec la matière ordinaire, il a fallu dans les deux cas déployer des dispositifs très sophistiqués pour espérer en trouver par des méthodes indirectes. Alors moi je travaille sur en expérience double phase, donc la particularité c'est qu'on a un cylindre qui est rempli avec des argons liquides, mais en dessous il y a une petite couche d'argon gazeux. Donc dans ce cas, s'il y a une interaction avec un neutrino dans l'argon liquide, il y a deux signaux qui sont produits. Un, c'est par scintillation, donc c'est de la lumière qui est directement produite et est détectée avec les photosenseurs. Et en même temps, il y a la production des électrons d'ionisation dans la même interaction et qui, grâce à un champ électrique, sont dérivés vers l'eau et sont détectés dans la phase gazeuse. C'est ça la signature en fait, qu'on récolte dans les mesures? Oui, c'est ça. Donc, on a deux signaux, un de la lumière qui est produite dans la phase liquide et un qui est produit dans la phase gazeuse. Ça, ce sont des installations à Gran-Sasso? Ça, en particulier, c'est une installation à Gran-Sasso, oui. Moi, en particulier, je travaille beaucoup sur la physique des matières noires et je suis en train de produire des nouveaux limites sur les quantités légères des matières noires, qui sont des WIMPs, qui sont aussi des dark photons, mais qui sont aussi des neutrinos stériles. Donc, on va mettre aussi des limites sur les neutrinos stériles. Le Borexino, qui est une expérience qui travaille sur le scintillateur liquide, un expérience qui a arrêté la prise de données il y a 2 ans, mais qui est encore en train de produire des résultats, et récemment a trouvé la façon de regarder la directionnalité des neutrinos avec le scintillateur liquide. Là, ça c'est plutôt exceptionnel, parce que la lumière produite dans le scintillateur est émise isotropiquement, donc dans toutes les directions. Et donc, voir la directionnalité de la trace qui est produite par les neutrinos est plutôt compliqué. On utilise la lumière, une petite lumière Tcherenkov. Et donc, grâce à ça, aussi si la quantité de lumière Tcherenkov est très petite par rapport à la lumière des scintillations, on était capable de détecter cette lumière qui arrive le premier photosenseur en faisant plus rapide. Donc on va regarder les premiers photomultiplicateurs qui ont été allumés et donc grâce à ça on peut reconstruire un peu la direction. Avec différents points dans le temps. Exactement. Donc grâce à ça on a encore plus réduit les fonds et on a effectivement observé que les neutrinos ont une préférence dans la direction du soleil. Pour relier l'étude, l'observation, la détection des neutrinos solaires d'une part, et ce qui pourrait être en lien avec la matière noire, ce n'est pas du tout les mêmes expérimentations finalement. Oui, ça c'est vrai. Alors qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'effectivement la recherche directe de matière noire utilise la technologie qui a été développée par la physique des neutrinos. Par contre, maintenant, pour chercher encore mieux la physique, la matière noire, on a produit des nouvelles technologies qui sont très très efficaces et qui peuvent servir aussi pour les nouvelles défis, le nouveau défi de la physique des neutrinos. Donc c'est pour ça que la prochaine génération des détecteurs des matières noires sera prête aussi à chercher aussi des signaux des neutrinos, par exemple des supernovas. Il y a un point sur lequel, un peu plus au niveau des réactions chimiques, j'aurais aimé avoir un éclairage sur la réaction CNO, carbone, azote, oxygène. Concernant les neutrinos solaires, en tout cas. Alors, ça, c'était un résultat très important de mes expériences. Borexino, qui est arrivé, je pense, il y a 1-2 ans, on a publié sur Nature. Et ça, sur ça, moi, je n'ai pas directement travaillé sur ce sujet. J'ai travaillé sur en partie de l'analyse qui était utilisée pour arriver à ça. Donc, oui, j'ai participé en faisant un peu indirect dans cette mesure, surtout sur le développement de toute la partie Monte Carlo, sur le développement du modèle de bruit et tout ça. Ça, effectivement, c'était un succès, en attendant. Et qu'est-ce qu'on cherchait à résoudre comme problème en étudiant ça? Alors, la question de le cycle de sillonnement du soleil, c'est important parce qu'effectivement, c'est en faisant de, qui permet d'essayer de rétablir un équilibre entre les mesures de sismologie dans le Soleil, qui sont un peu en contradiction avec les modèles, autres mesures sous la photosphère. Et donc, les neutrinos peuvent donner un peu, un résultat qui va à équilibrer un peu cette tension entre les mesures et les modèles. On a fait cette première mesure avec Borexino. C'était très important, c'était la première fois qu'on avoue les neutrinos de xénon, mais effectivement, l'erreur n'est pas suffisamment petite pour, donner un contrant à cette modèle. Moi, je suis très confiant que le futur de l'neutrino solaire est plutôt sur les nouvelles technologies comme l'argon liquide. Donc moi, j'ai fait beaucoup d'études dans cette direction et j'ai montré effectivement qu'avec cet détecteur, on peut faire des physiques sur les neutrinos solaires exceptionnelles, mais aussi des physiques sur les neutrinos des supernovas, qui est très important. Donc moi, j'aime beaucoup de continuer à travailler sur cette technologie que je trouve très prometteuse. Voilà pour ce reportage chez vous, Antoine Kouchner, pour ainsi dire, à l'Université de Paris. Une réaction à ce que vous venez d'entendre? Oui, je suis très content de ce que je viens d'entendre. Je trouve ça très bien. Je note quand même les progrès assez spectaculaires qui ont été faits sur la détection des neutrinos solaires. En parler, ça mérite beaucoup de temps, mais au tout départ, quand même, effectivement, quand on les a détectés au fond d'une grotte, c'était une infime partie du spectre de neutrinos solaires. Il en manquait une grosse quantité à cause des oscillations, parce qu'ils s'étaient transformés dans une autre saveur, et on n'avait aucune directionnalité. Et donc là, finalement, quand même, on arrive presque à retrouver toutes les composantes du spectre solaire, y compris même celles qui viennent du cycle solaire qui n'est pas principal, le cycle CNO, et en plus avec une directionnalité qui vient justement de la lumière Cherenkov, comme il a été expliqué. Donc ce sont vraiment des progrès assez importants. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'effectivement Davide Franco, lui c'est un expert de la physique des neutrinos solaires, mais il a continué son parcours avec cette expertise sur les techniques, pour aller au-delà et participer à la construction d'un détecteur sur donc DarkSide, qui est quand même principalement dévolu à la recherche de matière noire, mais qu'il espère exploiter pour la détection de neutrinos. On travaille ensemble d'ailleurs pour essayer de mettre en commun les données qu'auront KM3Net, DarkSide et d'autres détecteurs pour faire des triangulations le jour où peut-être il y aura une supernova. Vous savez qu'il y en a à peu près une par siècle, ouais. On l'attend, on espère qu'on sera présent, pour trouver justement de la directionnalité, puis de conjuguer toutes les informations dans une approche un petit peu multimessagère, mais ici avec les multidétecteurs en fait. On va parler bien sûr dans quelques instants, non seulement de cette approche multimessagère, mais aussi, puisque c'était la promesse de cette émission, de ces détecteurs sous-marins Antares et KM3Net, qui sont un petit peu un parfum d'aventure dans cette recherche des neutrinos. On va prendre le large, ce sera juste après ça. All through my science class, dreaming of the summer and the boy who cuts the grass. The atmosphere of boredom hung like smog on Tokyo, heavy with equations. It passed so slowly, but somehow something remained, although I'd retained almost zero. That I heard a curious word, neutrino. A scientist in 1940 won the Nobel Prize, predicting the existence of a particle of no size, a shady particle that rarely interacts with ordinary matter. Proven fact. They're moving faster than light, they're traveling right on through you. They say they have no effect, and yet I suspect that they do. Quest of Neutrinos par Charlie Dore dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de neutrinos et de leur détection. Nous en parlons avec Antoine Kouchner, professeur à l'Université Paris-Cité, directeur du laboratoire Astroparticules et Cosmologie APC, responsable scientifique du projet Antares. Avec nous également Jürgen Brunner, physicien, chercheur CNRS au Centre Physique des Particules de Marseille. Alors je vous le promettais avant cette pause musicale, nous allons parler de ces deux missions Antares et KM3Net. Un petit peu d'attente, encore un petit peu de suspense, Jürgen Brunner, puisque on peut parler d'une autre expérience qui s'appelle IceCube, qui est assez voisine, je crois assez parente de ces deux expériences Antares et KM3Net. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on a été mettre sous la glace au pôle pour détecter les neutrinos. Oui, c'est du concept très similaire à Antares et KM3Net. Ce sont des sphères qui contiennent le photomultiplicateur à nouveau et qui sont connectées par le câble et qui sont mis sous la glace d'Antarctique directement au pôle sud. Là, il faut savoir qu'il y a une couche de glace importante de presque 3 km. Alors, ce que fait l'eau de mer pour nous, comme bouclier contre le rayon cosmique, pour eux, c'est la glace même. Et la glace, à cette profondeur, est presque aussi transparente que l'eau de mer. Alors, c'est là qui produit le photon Cherenkov et qui le transporte jusqu'au leur détecteur. Alors, dans ce contexte, c'est le même principe, sauf que l'eau est gelée et pas liquide. Mmh. La deuxième différence, c'est que eux, quand même, ils sont déjà équipés vraiment 1 km³ avec deux photomultiplicateurs. Alors, c'est à ce moment-là le plus grand télescope à neutrinos qui prend de données depuis plusieurs années déjà. Mmh. Si on en vient maintenant à ce projet Antares, Antoine Kouchner, l'idée paraît un petit peu titanesque, pharaonique, même un peu folle, d'aller installer des détecteurs, des télescopes à neutrinos dans des abysses méditerranéens. Comment on vous a reçu et comment on a reçu les chercheurs scientifiques qui ont eu cette idée au début des années 2000 d'aller installer des détecteurs en Méditerranée? Alors en fait l'idée précède même les AD 2000. En fait l'idée au départ c'est effectivement de les construire dans les abysses parce que Jürgen a dit que la glace était effectivement transparente, mais en réalité la lumière diffuse pas mal et donc ça brouille un petit peu les pistes pour la reconstruction des trajectoires. Et donc au départ c'était quand même au fond de l'eau qui a des propriétés qui sont plus bénéfique pour l'astronomie qu'il était question d'aller. Sauf que c'est très compliqué. Plus vous allez en profondeur, plus il y a de pression. Et puis, bien sûr, parce qu'il y a de l'eau, ça peut faire des courts-circuits. Corrosion. La moindre corrosion, ouais. La moindre fuite dans l'électronique ou dans les câbles, dans les pénétrateurs, est très difficile à maîtriser. Et donc, en fait, il y a eu un premier projet qui devait se situer au large d'Hawaï. Mais qui projet américain, oui. Oui, oui. Mais qui a échoué, enfin qui n'a pas été financé. Il y a eu des lignes prototypes, mais enfin voilà. On s'est beaucoup servi de la littérature qui émanait des réunions de ces personnes-là, mais une partie est allée dans la glace parce qu'en réalité c'était justement plus facile puisqu'en fait il suffisait en quelque sorte de construire faire un kilomètre cube sous la glace. Ça gèle, voilà. Après il y a plus de au bout de 24-48 heures il y a plus de problème de fuite possible puisque tout est gelé. Il y a deux aspects. L'un, c'est effectivement la moindre capacité à reconstruire les trajectoires et donc à faire du pointage de sources. Mmh. On veut faire de l'astronomie, on veut trouver les sources. Et l'autre, c'est, on ne l'a pas dit, mais ces télescopes à neutrinos, comme ils doivent se préserver effectivement du flux de particules descendantes, on se blinde, mais ça ne suffit pas. Mmh. Et en réalité, ce qu'on fait au premier ordre, c'est qu'on se consacre en premier lieu à regarder les neutrinos qui ont traversé la Terre. Oui, c'est ça. Quand on pense télescope, on pense à des choses qui sont tournées vers le ciel. Là, à l'inverse, ces télescopes sous-marins, ils sont tournés vers le centre de la Terre. Exactement. Ils pointent pas, d'ailleurs. Ils sont ouverts. En fait, on prend toutes les particules venant. On peut peut-être décrire, d'ailleurs, à quoi ça ressemble, ces installations, parce que c'est pas du tout une lunette, pas du tout... Pas du tout une lunette. Rappelons un peu à quoi ça ressemble. C'est une sorte de matrice tridimensionnelle avec des photomultiplicateurs qui sont agencés le long de lignes. Alors dans la mer, elles sont ancrées et puis il y a une bouée qui leur permet de rester à peu près verticale. Et puis on trouve le long de la ligne ces fameux photomultiplicateurs dans des sphères qui les protègent de la pression, quelques cylindres en titane pour remettre l'électronique. Et puis il y a des câbles qui relient ces ensembles de lignes. Donc ça ressemble à ça. Et pareil au pôle sud. L'avantage, effectivement, de rester dans l'hémisphère nord, à des latitudes tempérées, il est double. D'une part, ça complémente le champ de vue qu'on a au pôle sud. Mm-hmm. Mais il se trouve aussi que le centre de notre galaxie est dans l'hémisphère sud. Donc, si vous placez votre détecteur au pôle sud, vous ne le voyez pas. Alors que si vous le placez dans l'hémisphère nord, ben vous allez pouvoir regarder les neutrinos qui pourraient venir du centre de la galaxie, qui est évidemment important parce que nous, on cherche les neutrinos extraterrestres, qu'ils proviennent de notre propre galaxie ou qu'ils soient de sources extragalactiques. Mmh. Et j'ajouterais juste, pour terminer, que lorsque vous êtes au pôle lui-même, vous ne profitez pas de la rotation de la Terre sur elle-même. Pour balayer une plus grande partie, vous voyez toujours le même ciel. Oui. Quand on est à une latitude tempérée, eh ben en fait, le long de la journée, on peut balayer une plus grande partie de la voûte céleste. Et on peut en particulier s'appuyer là-dessus pour faire des méthodes de détection plus robustes. C'est-à-dire qu'à un moment donné de la journée, on ne regarde pas dans la direction de la source qui nous intéresse. On compare le bruit de fond, on fait ce qu'on appelle du on-off. Et ça nous permet de maîtriser un peu mieux nos bruits de fond. Jürgen Brunner, vous avez participé à ce projet Antares de sa genèse et à sa mise à la retraite au début de l'année, en février 2022. Vous, quelle a été votre mission? Quelles ont été vos missions sur ce projet-là? Et qu'est-ce que vous avez essayé de comprendre autour de ces mystérieux neutrinos? Bah, au début, on a mis en place certains tests pour comprendre le milieu sous-marin. Alors, il fallait, autre que développer le détecteur qui est étanche, qui corrode pas, il fallait comprendre quel est le bruit de la lumière en bas. On a plus de lumière de soleil, mais on sait de plus en plus on va dans le mer obscur. Toute la faune et la flore qui existe fait la lumière qui s'appelle la bioluminescence. Alors il fallait mesurer cette partie-là. Deuxièmement, une autre souci, c'était si on installe un équipement dans la mer ouverte, par exemple un bateau, le coq de bateau va être rempli d'un biofilm, de coquillages, de toutes sortes de couches qui vont l'aveugler. Alors il fallait comprendre avec quelle vitesse ça se produit. Ici, on peut vraiment opérer un télescope pendant des années sans il se dégrade trop, parce que toute l'opération de réparation sont coûteuses, un peu comme dans le spatial. Et à la fin, on s'est rendu compte que ça fonctionne beaucoup mieux qu'on avait pensé au début. Par exemple, sur ces 14 ans de prise de données de 2006, sur la première ligne, on était installé jusqu'au février 2022. Cet aveuglement à cause du biofilm, c'était jusque quelques pourcents par année, qui à la fin ont réduit la transparence juste par 20% dans cette partie-là. Alors ça, c'était très positif. On a prouvé qu'on peut vraiment opérer un télescope pendant 10-14 années sans trop de dégradation. Donc ça, c'était une contrainte finalement assez résiduelle et qui était tout à fait acceptable par rapport à la qualité des résultats obtenus. Ce qui est amusant dans ce que dit Jürgen Brunner, Antoine Kouchner, c'est que voilà, il y avait aussi cet aspect un petit peu, on est dans un milieu où il y a une faune bioluminescente, et je crois que ça a servi un petit peu aussi à la recherche biologique de l'Ifremer, à la recherche sur la biodiversité marine. C'est un petit peu secondaire, mais c'est un joli clin d'œil quand même au fait que la recherche se fait toujours un petit peu bras dessus, bras dessous avec d'autres collègues. Oui, tout à fait. Jürgen nous rajeunit un petit peu parce que ça fait pas 14 ans, mais 16. Au début, on avait dit on va arrêter au bout de 10, et puis finalement, on a continué 6 ans au-delà de ce qui était prévu. Et vous avez raison, en fait, ce télescope à neutrinos, on va y revenir. Ils sont faits à cause du mot télescope pour regarder le ciel, mais en fait, ils sont faits aussi pour étudier les propriétés des neutrinos. Donc en fait, c'est assez riche en termes d'objectifs scientifiques, mais ce sont aussi des observatoires sous-marins qui peuvent être utilisés pour toute autre chose. Et on a effectivement, avec Antares, fait 6 publications qui sont des publications de sciences de la Terre, de l'environnement, qui sont liées à des choses tout à fait annexes. On a étudié la bioluminescence. Ça nous a permis, par exemple, d'observer un phénomène qui se produit, si j'ai bien compris, lors des hivers froids, où on peut avoir un refroidissement des eaux de surface et qui sont donc plus denses et puis qui vont entraîner une chute avec, je sais pas, des sédiments ou des choses comme ça, de l'oxygénation. Et on va avoir au niveau du détecteur dans les abysses des flashs plus importants au printemps. Et donc, on a fait des publications. On a aussi entendu les baleines et les dauphins parce qu'on a tout un système d'émetteurs-récepteurs acoustiques qui est nécessaire à notre étalonnage parce que les lignes sont flexibles. C'est aussi un bruit de fond, et puis ça peut aussi... C'est pas ça, c'est qu'en fait les lignes sont flexibles. Dans les courants marins, on ne peut pas faire une structure haute de plus de 100 mètres rigide, ça casserait. Donc il faut que ça puisse bouger un petit peu. Mais comme on veut une précision sur la trajectoire, il faut qu'on sache où se situent les détecteurs, comment ils sont orientés. Et donc on a cette petite instrumentation qui repose aussi sur acoustique. Donc on a utilisé certains de ces émetteurs-récepteurs avec des spécialistes pour étudier les mammifères. Et là, on a eu plutôt des bonnes nouvelles sur la santé des cétacés en Méditerranée. Ils ne semblent pas être dérangés par les bruits en Méditerranée. C'est très beau qu'en tout cas, ce qui sert à étudier l'infiniment petit, l'infiniment loin, serve aussi à étudier l'infiniment profond. On fait un petit clin d'œil à l'émission de Nicolas Martin, qui est en ce moment au Chili, cette émission l'infiniment qu'on peut réécouter sur le site franceculture.fr. Revenons-en à ces publications permises par le télescope Antares, Antoine Kouchner. Vous évoquiez 6 publications en biologie de la nature concernant les fonds marins, mais il y a eu bien plus de 90 publications concernant les neutrinos réalisées grâce à ces observations, à ces détections sous-marines de neutrinos. Quels ont été les éléments les plus marquants, les plus cruciaux qui ont été mis en évidence par ce détecteur Antares? Alors, il faut bien comprendre que c'était une première. Donc, c'était un prototype. Et en fait, il est allé au-delà de nos espérances, puisque, en effet, on a eu une centaine à peu près de publications scientifiques, qui étaient d'une part liées à l'astrophysique, d'autre part liées à la physique des particules, et puis effectivement à celle dont on vient de parler sur les sciences un peu de la Terre et de l'environnement. On a eu plusieurs résultats, aucun n'est spectaculaire, puisque pour un prototype, bon, vous l'auriez su avant. Mais en revanche, on a contraint un certain nombre de possibilités de modèles. Il faut préciser que IceCube, comme Jürgen l'a dit, est le plus gros détecteur. Alors, il souffre un petit peu de cette résolution angulaire moins bonne. Donc, ils ont vu un flux diffus de neutrinos extraterrestres. Donc ça, c'était quand même un résultat extrêmement important. Mm-hmm. Nous, on est trop petit, 50 fois plus petit pour le voir. On a une petite indication qui n'est pas statistiquement suffisamment significative pour qu'on puisse dire on a une découverte. Mais quand il y a des découvertes majeures, il faut les confirmer. Donc on a une petite indication qui pousse dans cette direction-là. Mais ce qu'on a pu faire grâce à notre pouvoir de pointage, c'est se concentrer par exemple sur le plan galactique et essayer de voir si une partie conséquente du flux détecté par IceCube venait du plan galactique ou de sources galactiques. On a conclu que non, c'était probablement inférieur à 10%. Et on a acquis comme ça une certaine crédibilité pour un prototype sur la scène internationale. D'ailleurs, on a eu des publications communes avec IceCube et avec un certain nombre d'autres grands instruments qui détectent des messagers différents. Voilà, ça, c'est l'important. On parlait tout à l'heure de l'astronomie multimessager, l'importance d'identifier un phénomène avec différents moyens de détection. Je crois que voilà, vous n'êtes pas en reste puisque vous avez contribué à détecter cette fusion de trous noirs, l'événement qu'on baptise un peu de façon barbare GW150-914, qui a été un petit peu la première détection des ondes gravitationnelles. Comment est-ce que vous avez fait avec Antares? Oui, absolument. Alors, sauf qu'on n'a pas contribué à le détecter. Vous avez confirmé d'une certaine façon. On n'a pas confirmé, mais on n'a pas vu quelque chose dans la direction de la source, ce qui est effectivement compatible avec le fait avec une certaine inclinaison potentielle du jet qui aurait pu être issu de l'événement. Donc, en effet, on a participé à cette publication qui est notoire, hein, 3500 auteurs. Donc, ça peut paraître insignifiant d'y participer, mais au contraire, en fait, ça montre qu'on était vraiment dans le jeu commun. Et c'est un peu ça qui a relancé la donne, d'une certaine façon, parce qu'on avait prévu de s'arrêter en 2016. Mais l'époque était trop importante et en plus, nous-mêmes, nous avions notre propre programme d'envoi d'alerte au reste de la communauté. Lorsqu'on voyait un neutrino intéressant, au sens où il était soit très énergétique, soit proche d'une galaxie, on envoyait une alerte au reste de la communauté en disant « regardez par ici ». C'est aussi ce qu'a fait IceCube, bien sûr. Donc on a suivi un certain nombre de neutrinos d'IceCube. On n'a jamais été capable de voir une contrepartie ou de voir un autre neutrino dans la même direction. On a une fois, et c'est assez important, je crois, de le souligner, en fait, IceCube a fait aussi une découverte potentiellement importante pour une source. C'est que la collaboration a envoyé une alerte et il y a eu une détection dans le spectre gamma électromagnétique. Et c'était en coïncidence probable avec ce qu'on appelle un noyau actif de galaxie, une galaxie active qui était en sursaut d'activité. Et donc, ça a intrigué pas mal. Ils ont regardé dans leurs archives, données archives, et ils se sont rendus compte qu'en fait, déjà dans cette même direction, il y avait déjà eu un excès de neutrinos, et que probablement, il y avait eu un épisode où cette source avait émis des bouffées de neutrinos. Et alors, bon, ce qui était amusant, c'est qu'ils l'avaient déjà vu, mais ils n'en avaient rien dit, parce qu'on est hyper prudent. On est même très très conservateur dans notre estimation de la probabilité de détection. On prend toujours en compte nos facteurs d'essai. Mmh. Et donc, quand on voit quelque chose, on se dit oui, mais c'est peut-être pas aussi significatif que ce qu'on croyait parce qu'il faut pénaliser notre approche par les tentatives qu'on a faites. Et donc, c'est un petit peu ça qui les a rendus aveugles à la première fois. Mais cette coïncidence multimessagère, mmh, leur a permis d'aller fouiller dans leurs données et de confirmer en fait qu'il s'était passé quelque chose de spectaculaire. Et simplement pour finir, on a regardé nous aussi, ouais, on a vu un neutrino, ce qui ne suffit pas à dire que c'était qu'il venait de la source. Mais c'était quand même assez significatif parce que dans les centaines de sources qu'on a cherchées, c'était la deuxième ou la troisième plus significative de toute l'histoire d'Antares. Et on arrive déjà presque à la fin de cette heure, mon Dieu, le temps file. Jürgen Brunner, donc on parle du successeur, du petit cousin d'Antares KM3Net. En deux mots, comment il va prendre la relève et qu'est-ce qu'il va améliorer sur cette détection de neutrinos par rapport à Antares? Déjà, il y a beaucoup plus d'éléments qui vont être déployés avec une technique améliorée qui est à la fois moins coûteuse et plus facile à déployer. Et il va étendre un créneau en énergie à la fois vers le bas pour étudier le neutrino même et à la fois vers la haute énergie pour chercher pour faire cette physique multimessager. Et elle est en train de construction. Il y a déjà 8 lignes qui sont en place en large d'Italie pour la version haute énergie et 10 lignes sont installées jusqu'à côté d'Antares au large de Toulon. Et c'était maintenant le moment pour donner le relais à cette nouvelle manip. Antoine Kouchner, un mot de conclusion rapide sur les attentes par rapport à KM3Net et à ce successeur d'Antares. Oui, alors on a effectivement éteint Antares qui continuait de marcher, mm-hmm, parce que on veut se consacrer maintenant à KM3Net. Je précise, Jürgen l'a un petit peu dit qu'effectivement, entre-temps, on s'est rendu compte que ce qu'on peut faire avec les télescopes à neutrinos, ça peut être vraiment de la physique des particules comme de l'astro. Et donc du coup, le site proche d'Antares va s'intéresser aux neutrinos atmosphériques pour leurs propriétés intrinsèques avec un objectif très précis de mesure de l'ordonnancement des masses, tandis que l'autre va se concentrer sur la détection des sources. Voilà. Et complémentaire. On en revient à cette complémentarité entre, exactement, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Merci beaucoup à tous les deux, Antoine Kouchner, décidément Jürgen Brunner, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. À la technique aujourd'hui, c'était Dali Yaha. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.